Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier. LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire et sur les docs. Aujourd'hui, Lampedusa, une île frontière, un documentaire d'Élise Gruau réalisé par François Teste. Au départ de cette série, il y a des destins qui basculent et des vies devenues folles. Il y a des gens, comme tout le monde, que l'adversité a jetés sur la route et cette certitude que ces choses arriveront toujours. Et en 2015, les réfugiés arrivaient par centaines sur la minuscule île de Lampedusa. Alors pour commencer, les personnages. Une étudiante qui est restée, un guide qui connaît son île, une chercheuse et ses tortues, des bénévoles aux aguets, un médecin qui en a trop vu et des fonctionnaires qui font régner la loi. Ensuite, le décor. Des rochers, des plages, des ruelles, une île quasi déserte, des routes poussiéreuses, une mer sans pitié, des traversées difficiles, un port bondé, des files d'attente, des plats de pâtes et autant d'espoir que de désespoir. Aujourd'hui, dernier épisode, on regarde au loin. Giuseppe, vous nous avez amené ici où on se trouve au nord de l'île, en haut des falaises qui tombent à pic sur la mer. C'est un paysage très impressionnant, très grandiose, avec les mouettes, les goélands qu'on entend crier. Et puis ces rochers déchiquetés, cette terre très aride. On voit les petits bateaux de pêcheurs aussi de ce côté-là, au nord. Et on est face à Linosa, qui est l'autre île. C'est une image qui est certainement en contraste avec ce que les migrants trouvent quand ils viennent ici. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils conservent comme image de Lampedusa ? Je pense que les migrants ne voient même pas l'île de Lampedusa. Ils ne savent pas comment elle est faite. Et puis ça ne les intéresse pas, tellement ils sont épuisés. Lampedusa est un rocher qu'ils trouvent devant eux, sur lequel ils s'agrippent. C'est comme un pilier contre lequel s'appuyer pour reprendre des forces. Et puis, je pense qu'ils n'ont pas la possibilité de se déplacer sur l'île. Il y a eu quand même quelques jeunes gens qui sont revenus pour voir et pour comprendre où ils avaient été sauvés. Au secours des migrants, Lampedusa, île frontière, par Élise Gruau et François Teste. L'État italien ou bien l'Europe a abandonné l'île toute seule à ménager ses problèmes en comptant sur l'humanité des habitants de l'île. Et alors nous avons fait le travail des autres. On n'entend plus les gens dire pourquoi ils viennent ici, pourquoi ils ne restent pas dans leur pays. Aujourd'hui la situation a changé. Quand on voit que ces personnes sont arrivées et qu'elles sont bien vivantes, on se sent soulagé. Elles sont arrivées parce que beaucoup d'entre elles n'arrivent jamais. Je trouve un peu fatigant qu'on se rappelle de Lampedusa seulement pour la migration. La migration est de partout en Europe, pas seulement ici. D'un côté, je comprends la nécessité pour les mass-médias d'avoir un symbole à représenter. De l'autre, trouver un mythe, une idole, c'est toujours quelque chose qui détache de la réalité. Le nombre de morts et de bateaux qui ont coulé et ne sont pas signalés est beaucoup plus important que ce que nous croyons. Par exemple, la semaine dernière, une centaine de corps sont réapparus sur les plages libyennes. Cela signifie que le jour même où nous commémorions ici le naufrage survenu à Lampedusa, le 3 octobre 2013, une autre grande tragédie avait lieu. Car si 100 corps ont été retrouvés, il est probable que 300 ou 400 soient au fond de la mer. Lampedusa a été jusqu'alors la dernière île, le dernier morceau de l'Europe, un petit bijou sur la mer à un pas de la Tunisie. Elle est devenue la première île, l'avant-poste, la porte d'accès à l'Eldorado européen pour les populations d'Afrique poussées à fuir leur pays. Une île sentinelle, choisi par le pape François pour son premier voyage, en juillet 2013, pour dénoncer la mondialisation de l'indifférence lors d'une homélie prononcée en mer. Une île symbole, lorsque le 3 octobre 2013, près de 400 migrants se sont noyés à proximité du port, ramenant la mort dans la conscience de l'Europe. Lampedusa, symbole du cimetière méditerranéen, dans l'indifférence et le déni de l'Europe. Une population élue citoyen d'Europe 2014 pour saluer sa solidarité, mais laissée seule face à l'arrivée des migrants, et volontiers utilisée par les médias et les politiques pour orchestrer l'invasion étrangère du continent. Une île où s'expérimentent au fil des ans les politiques sécuritaires de l'Europe. Lampedusa, une île frontière. Paola Pizzicori, quand êtes-vous arrivée à Lampedusa ? Je suis arrivée à Lampedusa il y a 25 ans. J'étais une étudiante la dernière année de l'université. Et alors je suis venue ici avec une amie à moi. Il n'y avait pas Google Maps. Et nous ne pouvons pas trouver Lampedusa sur la carte de l'Italie. Par avion, la première chose que nous avons dit, l'ami et moi, mais trop petite. Je suis de Rome, c'est une grande ville. Alors pour moi, l'île était vraiment trop petite. Et puis, ce n'est pas seulement que petite, c'est vraiment isolé. Et vraiment loin de la première terre qu'on peut rencontrer sur la mer, la Sicile ou l'Afrique. C'est moins de 300 km de Tripoli, par exemple, et plus ou moins 130 km de la Tunisie, la région de Monastir, Sfax. Mais c'est 200 km, plus ou moins, de la Sicile. Alors, c'est une île africaine. En effet, géologiquement, c'est africain. Politiquement, c'est européen. Giuseppe Balistreri, sono nato a Lampedusa. Je m'appelle Giuseppe Balistreri. Je suis né à Lampedusa. Nous partons faire le tour de l'île en voiture pour voir les plus beaux lieux de l'île qui surplombent la mer et beaucoup de criques qu'on va essayer de voir d'en haut. Lampedusa, c'est un peu particulier. Il n'y a pas de sable, c'est une île de pierre. Et il y a la pierre, c'est une pierre de calcaire, vraiment très claire, et il se réchauffe beaucoup au soleil. Et alors, pendant l'été, il fait vraiment chaud. Et aussi, nous sommes en Afrique, alors il y a beaucoup de soleil pendant toute l'année. Il y avait beaucoup de forêts, c'était une forêt méditerranée. Mais quand ils sont arrivés ici pour la colonisation, il était le 1843, il était le roi de la deux Siciles, de Naples et de la Sicile. Ils ont commencé à faire le charbon et ils ont coupé tous les arbres. Oui. Et aussi maintenant, il y a des arbres seulement dans les jardins privés. Là, on est en train de sortir de la ville, on emprunte un chemin de terre et on passe brutalement à un paysage de maquis. Il n'y a plus aucun arbre, c'est tout sec, c'est presque un désert. C'est de la roche et du maquis. Et donc les gens, pour manger, doivent faire venir les fruits et les légumes de l'extérieur. Tout arrive par bateau. Tout ce qui sert à l'approvisionnement. Nous sommes dans les terres, là où autrefois on cultivait la vigne, les oliviers, mais tout est abandonné. Ce n'est plus qu'un champ de pierre. Ah, voilà, face à nous, l'île de Linosa. Il y a beaucoup de histoires sur le nom de l'île. On dit que l'origine du nom peut-être qu'il vient de la lampe. La lampe, ça veut dire la petite lumière qui les habitants de l'île faisaient, beaucoup de lumière faisaient pour faire voir... les gens de mer, l'île, et l'île c'est une île, nous avons dit, de pierre, et alors c'est un peu dangereuse pour les bateaux. Il y a cette idée d'un phare sur la mer. Oui, et en effet, c'est ça. Lampedusa a été, pendant les siècles, on peut dire, le port qui a accueilli les gens de mer, c'est un port naturel. Et puis c'est un peu comme aujourd'hui pour les migrants, on peut dire. Ci voleva un fuoristrada per noi, eh? Il nous faudrait un 4x4 à la place de cette voiture. Je voudrais vous faire voir d'ici, en passant à côté de la terrasse de ce bar, cet endroit qui surplombe la mer. Ça vous va, hein? Bien arrivé, vous êtes dans le petit hôpital des Tortues Marines. Vous êtes en train de regarder Homerus, c'est notre patiente depuis 8 ans. Et quel type de tortue est-ce ici, que c'est on a des kawanes, des caretta caretta. C'est des tortues qui sont typiques de cette région de la Méditerranée? Non, les tortues marines ne sont pas typiques d'une région. Les tortues marines sont des migrants qui traversent tranquillement la Méditerranée pour sortir et aller soit dans l'océan Atlantique, soit dans l'océan Indien. La kawane, elle habite n'importe où, en Amérique, en Australie, au Japon, dans toutes les eaux tempérées de notre planète. Donc, c'est impossible de dire qu'une tortue marine est d'une région. C'est comme dire que nous, on est d'une chambre de notre maison. Non, nous, on habite pas seulement dans notre maison, mais dans notre village, dans notre région, dans notre pays. Et bien, pour les tortues marines, la mer, c'est la même chose. Vous employez ce mot, ce sont des tortues migrantes. C'est oui. Un thème qui revient souvent à Lampedusa. Oui, la migration. Oui, moi, je pense que la vie est migrante. et oui, les tortues marines représentent très bien la migration, puisqu'elles doivent se bouger derrière à la nourriture, à la température, pour trouver la façon de survivre. C'est à peu près ce qu'ils font la plupart des animaux vertébrés. C'est ce qu'ils font les hommes aussi. C'est ce qu'il a fait ma famille aussi, puisque moi, je suis moitié française, moitié italienne. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire la plupart des gens qui habitent dans des endroits en difficulté, comme peuvent être l'Afrique ou l'Asie. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'île de Lampedusa, comment est-ce qu'on peut la décrire? Jusqu'à quelques années, elle était l'île des tortues marines. Donc quand moi j'allais en France ou en Amérique, les gens connaissaient Lampedusa pour être l'île des tortues marines. Aujourd'hui non. Quand je me bouge pour aller au congrès ou au meeting scientifique sur les tortues marines, ils me demandent si je viens de l'île des migrants. Et au niveau de sa géographie, comment vous pourriez décrire cette île? Ben, c'est une partie de l'Afrique. Nous, on fait partie du continent africain. On est séparés par l'Afrique par une mer qui elle est au maximum profonde de 100 mètres. Aujourd'hui, si on va vers Linosa, que c'est la part européenne de notre archipel, on trouve une mer de 1500 mètres de profondeur. Donc ça veut dire que la ligne de séparation entre les deux continents passe entre nous et Linosa. On est une partie de l'Afrique. Rencontre avec Don Mimmo Zambito, prêtre de la paroisse de Lampedusa depuis 2013, dans son église, au centre du village. Regardez, voilà une crèche que nous a offert le pape François. Elle n'a pas une grande valeur commerciale. C'est un produit industriel fait par une petite coopérative calabraise. Mais quand le pape l'a vue, il a tout de suite pensé à Lampedusa et il a dit « ça, c'est pour Lampedusa ». Cet objet a beaucoup de sens parce qu'il représente Joseph et Marie avec Jésus dans les bras sur cette barque au milieu de la mer. Et puis, il y a un migrant, un réfugié, quelqu'un qui a besoin d'aide et qui cherche à monter sur le bateau. San Giuseppe che è proteso a raccoglierlo. Et on voit Joseph qui va pour le recueillir, le faire monter sur ce bateau qui penche vers cette personne qui risque de se noyer. L'île a toujours été un lieu de passage pour les populations africaines qui se déplaçaient vers le continent indo-européen. Et elle a été, dans la civilisation grecque et romaine, un avant-poste de la christianisation face au monde dit musulman. L'isola stessa ha avuto periodi in cui è attestata dai geografi arabi la presenza di piccole comunità. Des géographes arabes ont établi la présence sur l'île de petites communautés musulmanes qui se consacraient à l'agriculture et à la pêche. Una particolarità è che in certi periodi À certaines périodes historiques, il a même existé simultanément un double culte. Ce lieu assurait une fonction à la fois de rencontre et d'asile pour les différentes communautés, y compris les communautés musulmanes et chrétiennes. Je parle d'une époque qui va de 1200 à 1600. Jusqu'en 1843, l'île était privée. Elle n'appartenait à aucune entité politique. Elle était la propriété de la famille Tomasi di Lampedusa, l'auteur du Guépard, qui avait reçu l'île en dot à l'occasion d'un mariage. Mais la famille n'y mit jamais les pieds, et à cause de la situation si reculée et difficilement défendable de l'île, elle chercha toujours à la louer ou à la vendre, de sorte que les gens qui vivent sur cette île savent l'immense difficulté, et vous l'avez vous-même vécu, qu'il y a pour arriver et repartir. Ainsi, quand ils voient arriver ces personnes qui viennent de traverser 200 km sur la mer, et qu'ils voient dans quelles conditions ils l'ont fait, les Lampedusiens se posent une question simple. Qu'est-ce qui les fait fuir ? Qui parmi nous monterait à bord d'un zodiaque qui va se dégonfler? Ou qui parmi nous monterait sur une barque avec 300 ou 400 personnes et pour 10 000 euros, 100 000 euros, prendrait son enfant avec soi et se risquerait à cette traversée? À Lampedusa, vous entendrez les mêmes discours que dans les parlements, sur les places publiques ou au comptoir des bars. Mais la différence est qu'ici, la question de fond est qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Lampedusa a un destin particulier, celui que l'histoire et la géographie lui ont assigné, d'être un point de passage, une porte, une poignée de terre, un radeau posé au milieu de la Méditerranée. Ni les habitants, ni l'île ne peuvent nier cette évidence. A Lampedusa c'erano fuoco che sempre ardia per Maria Maria, e dal mare la gente veniva, e per mare la gente si innia. Paola, vous êtes arrivée à Lampedusa il y a 25 ans, vous veniez de Rome. Et quels habitants vous avez rencontrés? Quel tempérament sont-ils, les Lampedusiens? Est-ce que c'est des Siciliens? Qu'est-ce qui les caractérise? Bien, ils ne sont pas vraiment des Siciliens. Ils disent de soi-même qu'ils ne sont pas Siciliens, ils ne sont pas Italiens, ils sont Lampedusaniens. Et ça dit beaucoup de les tempéraments. Ils sont un peu durs, comme la pierre de l'île, un peu sauvages. Et comme sauvage, je veux dire, il était vraiment lié à la nature, à la vie naturelle, à la mer. Il était presque tout de pêcheurs. Et alors, ces pêcheurs qui sont devenus des entrepreneurs de tourisme sont changés beaucoup. Ils ne sont pas si sauvages et naturels. Et la seule chose qui est importante pour lui, c'est l'argent. 20 ans, 25 ans, ça correspond à l'arrivée du tourisme. C'est aussi l'arrivée des premières migrations par la mer de migrants. Donc c'est deux phénomènes qui sont un petit peu concomitants. Oui. Comment les habitants de Lampedusa ont vécu les différentes étapes d'arrivée des migrants? Et alors, je peux dire que quand je suis arrivée ici, il y avait des migrants. Il était la première fois pour moi que j'ai rencontré des migrants. Il était de la Tunisie. Il arrivait avec de petits bateaux directement de la Tunisie, mais il n'y avait pas une organisation criminelle. Il était seulement deux garçons qui décidaient de venir. On va en Italie. Il disait on va à Lampedusa. Il avait aussi des chansons à la radio tunisienne. On va à Lampedusa. Et il arrivait ici, un petit groupe, il restait au port. Tous les habitants de l'île allaient là donner des choses à manger, à boire, les cigarettes. Il était absolument normal, aidé de personnes qui étaient là en attendant le bateau pour aller en Sicile. Et puis, dans le 2007-2008, ils sont arrivés les premiers Africains. Et alors, son arrivée, mais il était vraiment beaucoup, beaucoup. Et alors, il était un peu en choc. Il arrivait très fatigué, Et avec des histoires terribles à compter, des histoires de guerre, de guerre civile. Dans ce moment-là est commencée la gestion militaire de la migration. Et alors, il était les hommes de la Guardia di Finanza ou les hommes de la Guardia Costiera qui faisaient le, on ne peut pas dire l'accueil, n'était pas un accueil. Et à partir de quand l'immigration par Lampedusa devient-elle vraiment massive ? Vraiment massive, le 2011. Je suis Germano Garatto. Je m'occupe de projets d'intégration des migrants avec les populations locales depuis très longtemps. Et lorsque, en 2011, il y a eu le phénomène du printemps arabe, Lampedusa a vécu cette situation très dramatique, car les jeunes Tunisiens venaient sur l'île. Et le gouvernement Berlusconi et son ministre de l'Intérieur avaient décidé de ne pas les faire arriver en Italie. Donc ils les ont gardés dans l'île pendant plusieurs mois, dans des conditions très précaires, parce que le centre pouvait abriter seulement quelques centaines de personnes, et ils sont arrivés à être presque 10 000 sur l'île, plus que la population locale, qui est d'environ 6 000 habitants, et hébergé sur une colline près du vieux port, dans une situation vraiment inhumaine. À un certain moment, ces jeunes sont descendus de cette localisation un peu forcée. Ils sont venus en ville pour chercher de l'aide. Et là, il y avait un phénomène très spécial. Les gens de Lampedusa, au lieu de fermer les portes, ils les ont ouvertes. Ils ont eu pitié de cette situation vraiment incroyable, de ces jeunes gens démunis, complètement affamés, etc. Ils ont préparé à manger, ils ont ouvert leurs placards, ils les ont habillés, etc. Et Lampedusa a initié un mouvement de protestation contre le gouvernement. Et pendant 60 jours, ils ont lutté pour que cette situation soit réglée. Et finalement, le gouvernement a cédé et ces jeunes ont été acheminés vers l'Italie, dans plusieurs centres, etc. Et cette chose m'a profondément choqué, parce que c'est rare de voir en Europe une communauté locale qui, face à un phénomène de masse, a une réaction humaine plutôt que de peur. Et pourquoi les Lampedusiens ont eu cette solidarité, cette fraternité? Je pense parce que la société de Lampedusa est encore très simple, donc le côté humain sort toujours. Et probablement aussi parce que la pauvreté des gens de l'île est encore très récente. Maintenant on est riche, mais dans les derniers 20 ans. Mais dans chaque famille, on se rappelle très bien qu'est-ce que ça voulait dire être pauvre et abandonné. Et est-ce qu'il y a aussi la mémoire chez les gens de ce que c'est que de migrer, de devoir migrer pour aller chercher une vie meilleure ? Inconsciemment, oui, probablement, oui. Nous sommes sur le vieux port, et où est-ce que vous nous emmenez maintenant ? Au ferry sur lequel partent les clandestins vers la Sicile. Ils sont restés je ne sais combien de temps dans le centre de rétention de Lampedusa et ils vont être transférés vers les centres de Sicile. Donc on est à l'entrée de la zone, on est derrière une barrière en fait pour accéder au port, et là les carabiniers viennent de nous refuser l'accès aux migrants qui sont en train d'attendre. On est en train de longer le grand ferry sur lequel vont être embarqués les migrants, principalement des hommes et quelques femmes, tous assez jeunes, parfois même des enfants aussi. Do you speak English? A little? Yes. Yes? Quand êtes-vous arrivé? Le 29 septembre. Savez-vous où vous allez maintenant? Nous ne savons pas. Peut-être en Sicile. How did you arrive here in Lampedusa? Comment êtes-vous arrivé à Lampedusa? By a small boat. Sur un petit bateau. Have you been rescued? Avez-vous été secouru en mer? Yes. Oui. By a military, par un navire militaire ship. Italien. How many people combien were étiez-vous you à bord? Maybe 200 something. Environ 200. How long have you been combien de temps êtes-vous resté en mer? Much more, not 12 hours, 13 something. Just pas longtemps. Peut-être 24 heures. We are lucky because the sea was nous avons eu de la chance. Too much good and the border were la mer était calme et à bord il n'y avait pas de terroristes, de gens comme ça. Aviez-vous peur quand vous étiez sur le bateau? Yes, why not? Oui, comment ne pas avoir peur? Why did you go away from pourquoi êtes-vous parti d'Érythrée? À cause de la situation politique. Combien de temps a duré votre voyage de l'Érythrée jusqu'ici à Lampedusa? Trop longtemps. 6 mois. Where do you want to go où voulez-vous aller maintenant? I want to go England, but, je voudrais aller en Angleterre, mais je ne sais pas. Yeah. Thank you. Thank you. Good luck. Welcome. On est au début du mois d'octobre 2015 et il est 11h du matin et il fait déjà 30 degrés au soleil. Et tous les migrants sont assis par terre et ils sont appuyés le long d'un petit mur sur lequel il y a des grillages. Et sur ce petit mur, on a vu des associations disposer des assiettes de pâtes et les gens, les migrants qui étaient derrière les barrières, faire le signe de la main qu'ils avaient faim et qu'ils voulaient manger. Donc on les sent dans un état de fatigue et de grand dénuement. On essaie... Giuseppe nous conduit au bout du quai, donc à l'entrée des barrières, pour voir si on rencontre à nouveau le directeur d'une unité d'hôpital de l'île de Lampedusa, qui a assisté beaucoup d'accouchements difficiles de femmes migrantes, et qui pourrait nous raconter tout ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu au contact de ces personnes en difficulté. Bonjour, monsieur. Vous êtes médecin? Vous travaillez sur l'île de Lampedusa au contact des migrants? Je m'occupe de ce phénomène depuis 1991. J'ai assisté à tous les débarquements jusqu'à aujourd'hui. Cela fait 24 ans et j'ai vécu tout ce qui s'est passé ici, y compris le naufrage du 3 octobre. Mais pas seulement. On parle toujours de celui-là et pas de ceux qui ont précédé aussi. Il y en a eu des débarquements vraiment dramatiques. Je suis aussi le médecin qui a en charge l'examen de tous les cadavres. Et je suis le seul, hélas, à le faire. Bref, vous pouvez imaginer ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, trop de choses vraiment terribles qui laissent en vous une grande souffrance. Et encore aujourd'hui, il y a des morts qui arrivent à Lampedusa? Si, abbiamo visto circa 10 giorni fa. Oui, il y a 10 jours, hélas, j'ai dû faire l'examen du corps d'une fillette décédée des suites de brûlures chimiques. Lors de l'approvisionnement en carburant des bateaux, il arrive souvent que pour remplir au maximum les cuves, l'essence déborde par terre et se mélange à l'eau. Ce mélange d'eau de mer et d'essence est très toxique. Il imprègne les vêtements et provoque de très graves brûlures qui nous obligent à opérer dans des conditions désastreuses. Parfois, il s'agit d'une ou deux personnes, mais il est arrivé que nous ayons 25 grands brûlés d'un coup. Par exemple, c'est stato un altro caso gravissimo circa 2 mesi fa. Il y a eu un autre cas extrêmement grave il y a 2 mois environ. 23 grands brûlés sont arrivés. Brûlés non pas de ce mélange chimique, mais parce qu'avant d'embarquer, ils avaient préparé à manger sur la plage en Libye. Stavano preparando da mangiare, quindi avevano fatto una cucina così alla buona. et la bonbonne de gaz sur laquelle il cuisinait a explosé. Certains sont morts sur le coup, et ceux qui étaient gravement blessés ont été obligés par les passeurs à monter quand même sur le Zodiac et ont été largués à la dérive. De toute façon, pour eux, ce n'est que de la viande de boucherie. Les pathologies que nous rencontrons le plus fréquemment sont la déshydratation, l'hypothermie, les brûlures chimiques, quelques fractures. Ce ne sont que des pathologies dues au voyage. Les maladies en tant que telles sont extrêmement rares. Ce sont des gens en bonne santé. Il faut vous représenter que ce sont des gens qui ont survécu à toutes sortes d'épreuves. Ce sont des gens sains, extrêmement forts. Daniela Freggi, votre hôpital pour tortues se trouve juste en face du quai d'où partent les ferries qui vont, sur lesquels montent aussi les migrants qui vont quitter Lampedusa pour rejoindre les côtes de Sicile. Qu'est-ce que cette proximité vous inspire ? Comment ça se passe au quotidien, cette proximité ? Au quotidien, ça passe vraiment avec un grand malaise chaque jour. Je ne m'habitue pas à l'image de voir des gens traités comme des choses. Je ne veux pas dire comme des animaux, parce que moi, les animaux, je les traite bien. Comme des choses qui sont plaquées là, par terre, assis par terre. Moi, je ne demanderai jamais à personne de s'asseoir par terre, sous le soleil ou sous la pluie, et qui doivent attendre d'être transportés, on ne sait pas où, à faire quoi, pendant combien de temps. Je trouve ça vraiment pas désagréable, horrible. Chaque jour que je vois des migrants qui partent, pour moi, c'est horrible, vraiment. C'est vraiment une mauvaise leçon pour nos élèves, qui s'habituent à voir les migrants être des paquets qui viennent transporter n'importe où sans respect. Vous, en tant que médecin qui opérait depuis 25 ans à Lampedusa, au contact des migrants qui arrivent, qu'est-ce que vous pensez de ce destin particulier de Lampedusa ? Je souhaite vraiment que tout cela prenne fin le plus tôt possible. Les habitants de Lampedusa forment un peuple extraordinaire qui a toujours accueilli, accueille aujourd'hui et continuera d'accueillir, j'en suis persuadé. Parce que ce sont des gens aux sentiments magnifiques, qui se sont toujours dédiés à ces personnes. Parce qu'étant des gens de mer, tout ce qui arrive du large est bien accueilli. Nous aussi, nous avons eu des problèmes dans le passé. Donc pour nous, c'est la normalité, ce ne sont pas des actes héroïques. C'est ce que tout homme, si c'est un être humain, doit faire. Les Lampedusiens sont tous comme ça. Ils mériteraient le prix Nobel. Le peuple de Lampedusa mérite le prix Nobel. Le peuple, pas moi, pas lui, pas un individu, mais le peuple de Lampedusa. Évidemment, nous espérons que cela finisse le plus tôt possible, parce qu'il est évident que ceux qui paient les conséquences de ces déplacements de population, ce sont les migrants. Qu'on ne me parle pas de camps ou de murs, ils ne servent à rien, ce n'est que de l'argent gaspillé. Des gens disent que ça va poser problème dans le futur. Je ne crois pas. Et de toute façon, nous avons le devoir de les sauver, de les accueillir, de les protéger, de les insérer dans notre société, quoi qu'il en soit. Et en même temps, nous avons le devoir de prendre des mesures pour que ce massacre prenne fin. En ce qui me concerne, je ne laisserai même pas traverser un mètre de Méditerranée de cette façon. Il faudrait, à travers un système de couloirs humanitaires, les faire embarquer normalement dans de véritables bateaux ou des avions et les mettre en lieu sûr. Je m'appelle Francesco Piobicchi. Je travaille à Lampedusa depuis un an et demi pour un projet des églises protestantes en Italie. Oramai ho iniziato a J'ai commencé à communiquer à propos de l'île avec des dessins pour deux raisons. D'abord, pour le respect des histoires des migrants, car très souvent ils sont photographiés sans respect, et ensuite parce que le dessin fait parfois davantage réfléchir qu'une photo. Ce premier dessin que j'ai fait représente ce qui se passe en Méditerranée, en deux mouvements. Le premier consiste en la perte de couleur de cet amoncellement de barques qui ont coulé au fond de la mer. La perte de couleur, ça veut dire que les presque 30 000 morts qu'il y a eu au cours des années sont oubliées. Ce ne sont plus que des chiffres. Ils n'ont pas d'histoire, pas de nom. Ils ne sont même pas comme les martyrs de la Deuxième Guerre mondiale qui au moins ont un nom, une histoire. De ces gens-là, on oubliera tout. Ils sont comme les desaparecidos argentins. Et le deuxième mouvement du dessin montre qu'à Lampedusa, nous ne voyons qu'une partie de ces bateaux naufragés. La plus grande partie gît au fond de la mer Méditerranée. Ce dessin veut donc aussi dénoncer l'indifférence de l'Europe face à l'un des plus grands événements de notre époque. Vous, Mediterranean Hope, et vous, Francesco Piobichi, qu'est-ce que vous faites au moment où ces migrants atteignent l'île de Lampedusa, très concrètement? Nous avons mis en place un espace qui s'appelle Forum Lampedusa Solidaire, qui permet à quiconque veut porter assistance à ces personnes à leur arrivée d'accéder au quai. On fait peu de choses, on leur donne de l'eau, des couvertures thermiques, et on leur dit « Bienvenue en Europe, bienvenue à Lampedusa », on leur sourit, on leur fait le signe de la victoire. Cela parce que nous pensons qu'il est important de reconnaître à ces personnes le fait d'avoir réussi leur projet migratoire, et important de les considérer comme des êtres humains, non comme des chiffres. Aprirono le porte del centro e uscirono gli uomini gridando e noi in piazza a contemplare il rumore del regime e del mare. E quando arrivarono gridando il grido fu di un unico lamento. E quel che volevano fosse terrore, lo trasformammo in smisurato amore. E quel che volevano fosse infranto, lo trasformammo in miracoloso canto. Ils ouvrirent les portes du centre et les hommes sortirent en criant. Et nous étions là, à assister au bruit des bottes et de la mer. Et si ce qu'ils voulaient c'était la terreur, nous en fîmes de l'amour démesuré. Liberté, liberté. En 2009, le chanteur Giacomo Sferlazzo, avec d'autres Lampedusiens, se mobilise contre l'ouverture d'un centre d'identification et d'expulsion sur l'île, l'ancêtre du hotspot. Il crée le collectif Ascavusa pour dénoncer la militarisation du traitement de la migration. Annalisa d'Ancona nous présente le lieu Porto M. Ici, nous avons organisé un lieu pour exposer des objets ayant appartenu aux migrants. Nous les avons retrouvés dans des cimetières de bateaux qui se sont créés au cours des années sur l'île. Dans ce que les autres considéraient comme des déchets, à savoir ces bateaux amoncelés dans les décharges, nous avons voulu rechercher les signes d'une humanité à travers les objets qui leur avaient appartenu. Et nous avons voulu voir autre chose que le nombre de personnes arrivées. Qu'est-ce qu'on peut voir comme objet que vous avez accroché sur les murs? Est-ce que vous pouvez nous en décrire quelques-uns? Tout d'abord, il faut savoir que les installations sont réalisées avec des planches des bateaux retrouvés dans les décharges. Et il y a des vêtements accrochés au mur, des vêtements de femmes, des jeans d'hommes. Ici, on ne voit qu'une partie des objets que nous avons recueillis, car il y en a énormément. Et derrière vous, on voit aussi beaucoup de gilets de sauvetage qui sont accrochés, qui portent aussi des inscriptions faites à la main. On voit des bouteilles d'eau, des gourdes constituées dans des tissus un peu traditionnels. De l'autre côté, on a des ustensiles de cuisine, des casseroles, des couvercles, tout un peu cabossé. Ici, vous avez installé une vitrine qui contient des Corans. On voit qu'ils ont été mouillés par la mer. Les pages sont flétries. Et au-dessus, on voit une petite figurine d'une Madone avec un enfant. Qu'est-ce que c'est que cette Madone ? C'est une Madone éthiopienne que nous avons enveloppée d'une couverture thermique, comme celles qui sont données aux migrants quand ils débarquent à Lampedusa. Elle a cette couleur dorée et argentée, devenue caractéristique. Et dans la nuit, on les voit briller comme des lumières d'étoiles. Dans le village silencieux et déserté à l'heure de la sieste, nous parviennent soudain, au loin, la rumeur de chants qui se rapproche et s'intensifie. Une centaine d'hommes africains passent dans les rues devant notre hôtel. Ils se dirigent vers l'église, nous partons à leur rencontre. Nous venons d'Érythrée. Pourquoi êtes-vous venu ici à l'église de Lampedusa? Premièrement, nous voulons prier Dieu. Deuxièmement, nous voulons que les gens en Italie sachent que nous avons des problèmes. Nos parents, nos familles, nos sœurs, nos frères, nos femmes, nos maris vivent tous en dehors d'Italie. Le règlement de l'UNHCR qui veut que nous donnions nos empreintes en Italie nous inquiète. Car nous savons, par les récits de nos familles, que tous ceux qui ont laissé leurs empreintes en Italie ont été obligés de rester vivre ici. Et n'ont pas pu aller dans les autres pays européens. Donc nous avons peur de cela. C'était possible de sortir du centre pour venir à l'église ? Non, c'est impossible. C'est comme une prison. Personne n'a le droit de sortir. Mais nous avons sauté par-dessus les barrières. C'est très difficile de sortir du camp. Quand êtes-vous arrivé à Lampedusa? Il y a une semaine. Si c'était possible, nous voudrions partir maintenant. Personne ne veut rester ici, pas même une heure. C'est la première fois que nous sortons du camp. Nous n'avons eu aucun problème avec les gens de Lampedusa. Et ils ne font pas attention à nous. Ce sont des gens souriants. Au cri de plus de liberté, plus de droits, les Érythréens poursuivent leur manifestation dans le village. Ils seront ensuite reçus par le maire de Lampedusa, Giusy Nicolini, que nous rencontrons à notre tour en fin de journée. Les politiques européennes se reflètent de manière directe sur l'area di frontiera. Les politiques européennes ont des effets directs sur les lieux de frontière et donc aussi sur Lampedusa. La nouveauté à laquelle nous sommes en train d'assister est que l'Europe, ou plutôt certains pays d'Europe, qui ont plus de voix au chapitre, comme l'Allemagne, ont imposé à l'Italie de mettre en œuvre les hotspots. Pour avoir de meilleures garanties concernant l'identification des personnes qui pourront accéder aux quotas d'accueil européens. La question actuelle est surtout, ces quotas vont-ils être véritablement mis en œuvre par les différents pays ? Car pour le moment, seule la Suède s'est déclarée prête. Et l'Italie n'a pu envoyer que 19 personnes en Suède vendredi dernier. Mais si on y réfléchit bien, c'est déjà un pas extraordinaire de voir qu'on a remis en cause le règlement de Dublin, c'est-à-dire qu'on y a dérogé, alors qu'il était jusqu'à maintenant intouchable. Enfin, ces 19 personnes qui ont risqué leur vie pour arriver à Lampedusa, arrivent en Suède par avion, sans dépenser d'argent, sans risquer à nouveau leur vie, sans être clandestin. Mais c'est une période faite de nombreuses difficultés pratiques qui rendent difficile cette opération. Et une autre question se pose, celle de la destination. Si les personnes n'ont toujours pas la possibilité de choisir dans quel pays elles vont, alors avec les quotas, finalement, nous n'aurons pas obtenu grand-chose. Lampedusa est toujours à l'avant-garde. Pendant longtemps, ce rocher a vécu ce qui allait arriver par la suite dans le reste de l'Europe. Si bien qu'aujourd'hui, Lampedusa se retrouve un peu partout. À Ventimiglia, à Calais, en Hongrie. Lampedusa est un peu la métaphore de l'Europe. Vous avez évoqué 2011 et ce qui s'est passé au moment des printemps arabes, l'arrivée de très nombreux Tunisiens qui ont été volontairement bloqués sur l'île par le gouvernement Berlusconi. Qu'en est-il aujourd'hui en 2015 ? Quelle est la situation et comment les habitants réagissent-ils au phénomène des migrants qui continuent ? Depuis la tragédie du 3 octobre 2013, pratiquement, les migrants sur l'île ne résident plus, quoi. Il n'y a pas une présence prolongée des migrants dans l'île. Le centre a été rénové, il peut héberger un plus grand nombre de personnes qui normalement ne restent que 48 heures. Donc, les gens de Lampedusa ne sont pas très embêtés par les migrants. Ils sont plutôt préoccupés par l'image que l'île a dans l'opinion publique d'Italie et en Europe. Parce que vivant du tourisme, cette image qui fait croire aux gens que Lampedusa est envahie par les migrants, ils trouvent que ça peut nuire à leur réalité de tourisme. Lampedusa a une grande chance. C'est un village de 6000 personnes où il y a beaucoup de richesses. Personne risque de mourir de faim et personne risque de dormir dehors la nuit. Donc c'est quelque chose de, c'est une réalité un peu différente du reste d'Italie où la crise a amené pas mal de personnes à n'avoir plus où dormir ou où manger. Et donc l'attitude qu'on a vers les migrants, qu'ils arrivent ici sauvés, donc ils sont pleins de reconnaissance, de gentillesse, est normal que ce n'est pas ce que on vit dans une grande ville où il y a la lutte entre les pauvres. Et pour les Italiens qui voient des pauvres aidés et ils ne se sont sentis pas aidés par l'État, c'est normal qu'ils commencent une lutte entre pauvres. Lampedusa a une grande chance. La plupart des gens sont riches. Tout le monde travaille avec le tourisme. On travaille 5 mois et on peut vivre 12 mois. C'est vrai, il n'y a pas l'école. Si tu es malade, tu dois aller à Palerme, tu dois te payer l'hôtel pour aller à Palerme. Ça, c'est vrai. Mais rien à voir avec la pauvreté qu'il y a dans le reste d'Italie. Et quel est le sentiment aujourd'hui de la population de Lampedusa avec donc cette création du hotspot, ce centre d'accueil, mais aussi les différents points qu'on peut voir sur l'île, des zones militaires avec des grands radars, avec des systèmes imposants de surveillance de la frontière. Mais en effet, ça c'est vraiment le problème de l'île maintenant. C'est la gestion militaire de la migration qui est devenue comme une excuse pour porter beaucoup, de plus en plus de militaires sur l'île. Lampedusa, c'est sur la frontière, et là, c'est normal qu'il y ait des militaires, c'est comme dans toutes les frontières, mais comme ça, c'est trop, vraiment trop. Et il a des effets sur la vie quotidienne des habitants de l'île, à part qu'on peut aller dans les rues et on voit tous ces militaires, et pour moi, c'est pas beau, je veux dire, je ne veux pas voir tous ces militaires, c'est pas la police qui se trouvent dans toutes les villes. Ils sont des militaires, de l'aviation. C'est une sensation. Je dis, d'être en guerre, c'est trop. Mais en effet, d'être dans un pays qui va en train d'être en guerre. Et puis, je peux dire que la présence de militaires ici a changé un peu aussi le tourisme. Beaucoup de personnes ici, maintenant, ils gagnent beaucoup d'argent avec les militaires. Et alors, avec la migration, on peut dire. C'est une commercialisation locale de la migration. Et tu pouvais aller à la plage, dans les plus belles plages de l'île, et tu peux trouver beaucoup de carabiniers, et que je pense qu'ils sont très contents de faire ce travail ici. Ils sont en vacances, hein. Giuseppe, vous nous avez emmené ici, on est arrivé sur cette plage qui est sur les plus belles cartes postales de Lampedusa, la plus connue au monde peut-être, celle qui s'appelle l'Isola dei Conigli, de l'île des lapins qui est juste en face de nous. Une petite plage de sable avec une eau de cristal, les gens qui peuvent marcher dans l'eau jusqu'à 100 ou 200 mètres. C'est le calme absolu, on est début octobre, il fait encore peut-être 30 degrés à 17h. On nous a dit que l'eau était à 25 degrés. Donc on est vraiment dans ce petit paradis des touristes, ce monde préservé, où les gens viennent ici trouver une des plus belles mers d'Europe. On est au sud de l'île, et c'est aussi ici que sont arrivés beaucoup de bateaux de migrants. Effectivement, mon souvenir le plus saisissant et étrange est l'arrivée d'une barque sur la plage de La Guiccia, près du port. Il y avait des baigneurs qui riaient, s'amusaient, lançaient des feux d'artifice. Et à quelques mètres sur la même plage, des migrants qui arrivaient épuisés, mortifiés. Et le contraste entre les deux, ça fait réfléchir. Ces pauvres malheureux qui arrivent dans une île que le tourisme rend riche, et eux, rescapés d'une épopée hallucinante. C'était au secours des migrants, Lampedusa, île frontière, avec Giuseppe Balistreri, Paolo Barbuto, Annalisa D'Ancona, Daniela Freggi, Germano Garatto, Vincenzo Grazia, Giusy Nicolini, Paola Pizzicori, Francesco Piobichi, Don Mimo Zambito. Avec les voix de traduction de Thierry Beauchamp, Nathalie Blanc, Arnaud Carbonnier, Lionel Prével. Prise de son à Paris, Jason Taous et Théo Gomard. Attachés d'émission, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire d'Élise Gruau et François Test pour Sur les Docks.